بسم الله الرحمن الرحيم. ندخل اليوم في السؤال 44 بعد 100 144 question. يقول سئل الشيخ رحمه الله تعالى عن قولهم هذا نوء محمود. Donc le cheikh est interrogé à propos de la parole c'est un bon astre, une bonne constellation ونحو ذلك. فأجاب رحمه الله تعالى هذا لا يجوز وهذا يشبه قول القائل مطرنا بنو كذا وكذا الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله عز وجل من قال مطرنا بنو كذا وكذا فهو كافر بي ومؤمن بالكوكب. Donc il a dit cela n'est pas permis de dire ce genre d'expression car cela ressemble à la parole de celui qui dirait la pluie nous est venue par tel et tel astre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rapporté d'Allah Azza wa Jal qu'il a dit dans ce hadith Qudsi que celui qui dit cela, que la pluie nous est venue par le biais de tel et tel astre, il mécroit en moi et il est croyant aux astres. Dans le hadith Qudsi. والأنواع ما هي إلى أوقات لا تحمد ولا تذم وما يكون فيها من النعم أو من النعم نعم ورخاء فهو من الله تعالى وهو الذي له الحمد أولا وآخرا وله الحمد على كل حال. Donc il a dit ces astres et ces événements ne sont que des moments qui n'ont pas être loués ni être blâmés ni l'un ni l'autre. Tout ce qu'on peut y trouver comme bienfait et comme profit, cela provient d'Allah Azzawajal directement. Donc c'est à lui que revient la louange du début à la fin. Et à lui revient la louange en toute situation. Naam. ثم قال في السؤال الخامس واربعين بعد المئة سئل الشيخ رحمة الله تعالى عليه نجد في تعليق بعض المعلقين الذين يعلقون على المباريات عندما ينهزم أحد الفريقين يقول هذا الفريق هزم نتيجة سوء الطالع. فهذه الكلمات أشكلت علي كثيرا فما رأيكم في هذا التعليق. Donc il a interrogé le cheikh à propos des paroles de certains commentateurs lors des rencontres sportives. Certains d'entre eux disent, lorsqu'une équipe, par exemple, perd, ils disent « Cette équipe, Mathalan, a perdu à cause du mauvais sort, à cause de la malchance, à cause de la mauvaise étoile. » Donc le questionneur dit que cette parole lui a posé problème. Donc quelle est l'opinion du Chir par rapport à cette expression ? فأجاب رحمه الله تعالى نعم هذه الكلمات يقولها من لا يعرف الشريعة يقول للشخص إذا نجح هذا من حسن الطالع وإذا رسب هذا من سوء الطالع. Donc il a dit ce genre de paroles proviennent de gens qui ne connaissent pas la charia, la législation. Il va dire par exemple si quelqu'un réussit quelque chose il dit il a réussi par le bon sort, par la chance, par la bonne étoile. Et celui qui échoue, le contraire, par malchance, par mauvais sort, par la mauvaise étoile. وهذا من التنجيم الذي هو نوع من الشرك ولذلك لأن الطالع والغارب ليس له تأثير في الحوادث الأرضية بل الأمر بيد الله سواء ولد الإنسان في هذا الطالع أو الغارب أو في أي وقت. Donc il a dit, cela fait partie justement de l'astrologie, qui est une forme de shirk. Car ces étoiles, Mathalène, ces astres et autres n'ont aucune influence sur le cours des événements terrestres. Tout revient à Allah. Et peu importe que la personne soit née sous tel astre, ou sous telle constellation, ou à tel moment, cela n'influe en rien sur le cours des choses. Par exemple, cela, justement, vient pour annuler la croyance en tout ce qui est signe du zodiaque. Cela n'existe pas en islam. Et cela rendant al-kahana, la kahana qui est la voyance, l'astrologie, qui sont des choses qui sont relatives au shirk. ثم قال وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه زيد بن خالد الجهني قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم صلاة الصبح ونحن في الحديبية على إثر السماء كانت من الليل يعني على إثر مطر فقال هل تدرون ماذا قال ربكم قالوا الله ورسوله أعلم. Et après il cite le hadith que nous avons cité auparavant, le hadith rapporté par Zayd ibn Khalid, lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a accompli la salat du subh après une nuit pluvieuse, et après s'est retourné auprès de ses compagnons en disant « Savez-vous ce qu'a dit votre Seigneur ?» Et ils ont dit « Allah et son messager sont plus savants. » Et il a dit « Celui qui dit que la pluie nous est venue par la grâce d'Allah, alors lui il croit en moi et il me croit aux astres. Et celui qui dit que la pluie nous est venue par tel et tel astre, celui-là me croit en moi et croit aux astres. » وهذا الذي يدعي أن فوز رجل أو فشله لحسن الطالع أو سوء الطالع من هذا النوع الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كافر بالله. Donc celui qui prétend que un tel a gagné ou a perdu à cause de la chance ou de l'étoile ou ainsi de suite, alors lui rentre dans le hadith qui lui croit en Allah. فالواجب على من قاله أن يتوب إلى الله من ذلك وعلى من يسمعه أن ينكر عليه ويبين ذلك في المجالس. Donc, ce qui est obligatoire pour celui qui dit une telle parole, c'est de se repentir à Allah Azza wa Jal. Et que celui qui entend cette parole-là, la réprimande. Et qu'il éclaircit justement cette situation, cette question, qu'il en parle dans les assises générales ou même privées. Parmi les jeunes. Pour leur enseigner. Car certaines personnes ne connaissent pas le sens de ces paroles-là. Ils les prononcent sans savoir. Ils ont entendu cela et ils n'ont pas forcément, eux, une croyance liée à l'astrologie ou quoi. Mais comme ils entendent les gens le dire, alors ils le répètent, alors que la parole en elle-même, elle est fausse. Et c'est une chose qui est très fréquente. Que les gens répètent ce qu'ils entendent sans savoir ce que cela signifie. Donc il faut enseigner aux gens. Non. Somasu ila fissuel. السادس وأربعين بعد المئة 146e question. سويل الشيخ عن قول بعض الناس تكاهنت مصادر مطلعة بكوكو كذا وكذا أو أتكاهن أن فلانا سيحضر. Donc il a interrogé le shir par rapport à la parole de certaines personnes qui disent que les événements prédisent qu'il se déroulera telle et telle chose, ou alors je prédis qu'un tel va venir. فأجاب رحمه الله تعالى لا ينبغي هذا اللفظ أدل على عمل محرم على أمر مباح فلا ينبغي أن يقول أتكاهن بكذا ونحوه لكن يقول أظن كذا. Donc il a dit il ne faut pas employer ce genre de terme qui eux indique à la base un acte qui est interdit pour annoncer une chose qui est permise. Donc il ne faut pas dire je prévois ou plutôt je prédis telle et telle chose. Mais il dit je pense. Je pense telle et telle chose. لأن العامي الذي لا يفرق بين الأمور يظن أن الكهانة كلها مباح بدليل إطلاق هذا اللفظ على شيء مباح معلوم إباحته. Car la personne du commun, le عامي, lui ne différencie pas entre les choses. Et il va penser que cette prédiction, que la prédiction est totalement permise du fait qu'il aurait entendu leur expression. Et là, on parle du fait de dire cela pour une chose qui est permise. Par exemple, comme il a dit dans l'exemple, je prédis qu'un tel va venir. La venue d'un tel, c'est une chose qui est permise à la base. Donc les gens ne s'en rendent pas compte. C'est pas comme quelqu'un qui dira, par exemple, je prédis que tu vas mourir ce soir. Là, les gens vont tous se dire, mais non, tu peux pas le savoir, ça. D'accord ? Et eux, ça va pas être le fait, le mot prédire qui va vraiment les interpeller, mais le fait que la personne aura dit une chose qui est liée à l'invisible, qu'il ne peut connaître. Alors que là, dans l'exemple, c'est le mot prédire est employé pour une chose qui, elle, hein, est permise et qui ne choque pas. Donc les gens ne s'en rendent pas compte. Donc le terme prédiction, hein, n'est pas employé. Non. هذا الذي أخذنا اليوم من هذه الأسئلة. وسبحانك وبحمدك. لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.